À 7 heures, on attaqua les huîtres. À 8 heures, entre les deux services, on dégusta le punch glacé. Tout le monde connaît le menu de ces festins. À 9 heures, on babillait comme on babille après 42 bouteilles de différents vins bues entre 14 personnes. Le dessert, cet affreux dessert du mois d'avril, était servi. Cette atmosphère capiteuse n'avait grisé que la Normande, qui chantonnait un Noël. Cette pauvre fille exceptée, personne n'avait perdu la raison. Les buveurs, les femmes, étaient l'élite de Paris soupant. Les esprits riaient, les yeux, quoique brillantés, restaient pleins d'intelligence, mais les lèvres tournaient à la satire, à l'anecdote, à l'indiscrétion. La conversation, qui jusqu'alors avait roulé dans le cercle vicieux des courses et des chevaux, des exécutions à la bourse, des différents mérites des lions comparés les uns aux autres, et des histoires scandaleuses connues, menaçait de devenir intime, de se fractionner par groupes de deux cœurs. Ce fut en ce moment que, sur des œillades distribuées par carabine à Léon de Lora, Bixiou, la Palférine et du Tillet, on parla d'amour.